sais pas comment faire, alors tu demandes. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Je m'excuse hein, mais je suis un petit peu enrhumée ce matin et un petit peu aphone. Alors je vais faire mon mieux hein, pendant cette demi-heure avec vous. Nous commençons en souhaitant en ce mercredi donc 5 décembre une bonne fête au Gérald. Ça vient du germanique Lance gouverné. Marqué par un maître nombre, Gérald possède une forte personnalité, ce qui lui confère de l'ascendant sur autrui. Il se montre actif, énergique, dynamique et courageux et son tempérament est passionné. Adaptable et malléable en apparence, il saura faire valoir ses droits et ses idées avec douceur, certes, mais aussi avec une pointe de machiavélisme et le cas échéant de fermeté. Une main de fer dans un gant de velours. Il a de multiples projets, de grandes idées, encore faut-il qu'il soit capable de les mettre en application. L'action est cependant son exutoire, car sa grande nervosité ne le met pas totalement à l'abri de crise émotionnelle. Si l'intensité du moment présent lui semble trop forte, il pourra vivre une octave au-dessous sous l'influence du nombre 2. Il suffira alors davantage son destin et restera dans un rôle de second rang, mais cela lui permettra de mener sa vie plus confortablement sur un rythme moins trépidant. Pourtant, en règle générale, il est stimulé par la difficulté. Son sens de la justice est très aiguisé et il a des réactions violentes devant toute iniquité. Ce qui est humain ne lui est point étranger et il possède souvent un idéal fraternitaire qui le fait s'intéresser à autrui ou adhérer à des groupes et à des associations à but social ou politique. C'est aussi un homme intuitif, bien qu'il préfère afficher son esprit logique. Il peut osciller entre une possessivité absolue et un certain altruisme. Dicton du jour à la Saint-Gérald, neige de décembre, c'est pour le jardin cendre. Bon, alors pour l'instant, pas de neige de prévu au programme. Hein. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des volontaires, c'est la journée mondiale des sols, c'est la journée internationale du ninja depuis 2004 et en Thaïlande c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 5 décembre, eh bien en 1946, New York était choisi comme siège permanent des Nations Unies. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Patricia Cass et son titre « Il me dit que je suis belle ». Les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, ou quand les vies ne sont plus qu'ombre, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attend. Il parle comme on caresse. cet air qui les rend transparents. Prendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre à l'air. Il me dit que je suis belle de Patricia Cass sur RGM, un peu plus de 8h38. On est toujours dans la matinale et on fait maintenant un point sur tous ceux qui sont nés un 5 décembre 1932, naissance de Little Richard, chanteur américain, connu notamment pour le titre Tutti Frutti, dont on écoute tout de suite un extrait. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Voilà pour l'extrait donc de Little Richard. Allez, on continue. 1961, naissance d'Annie Pujol, animatrice télé française, qui a été l'hôtesse du jeu télé La Roue de la Fortune, hein, de 1987 à 1994. 1966, naissance de Patricia Cass, chanteuse française. 1971, naissance de Sofiane Belmouden, acteur français connu pour son rôle de Malik Nasri dans la série télé Plus belle la vie, de la saison 1 à la saison 4. 1972, naissance l'absence de Christelle Cholet, humoriste et comédienne française, vue notamment dans le film Arrête de pleurer, Pénélope. 1973, naissance de Michelangelo Loconte, musicien, chanteur italien, connu grâce à la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. 1976, naissance d'Amy Acker, actrice américaine, vue au cinéma dans Arrête-moi si tu peux. On la connaît surtout pour son rôle de Fred Burkle dans la série télé Angel, vue également dans Supernatural, Alias dans le rôle de Kelly Payton, à What Met Your Mother, Dollhouse dans le rôle du docteur Claire Sanders, alias Whiskey, Les Experts, Once Upon a Time ou encore Person of Interest dans le rôle de Sam Groves, alias Root. 1979, naissance de Nick Stahl, acteur américain, vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du Première Classe, Edward Bade dans Terminator 3, Le Soulèvement des Machines dans le rôle de John Connor, ou encore dans Sin City dans le rôle de Rourke Junior alias Yellow Bastard. 1985, naissance de Frankie Muniz, acteur devenu coureur automobile américain, connu pour son rôle de Malcolm dans la série du même nom, vu également dans Esprit Criminel. C'est également l'année de naissance d'André-Pierre Gignac, footballeur français. Professionnel depuis 2004. De 2004 à 2007, il a joué à Lorient. Entre 2005 et 2006, il a été prêté à Pau. De 2007 à 2010, il a joué pour Toulouse. De 2010 à 2015, pour l'Olympique de Marseille. Et depuis 2015, il joue au Mexique pour le club des Tigres UANL. 1998, naissance de Vincent Claude, acteur français, vu dans Le Petit Nicolas dans le rôle d'Alceste, mais surtout connu pour son rôle de Ducobu dans le film L'élève Ducobu. En 2006, c'était la naissance d'Ava Kolker, actrice américaine, connue pour son rôle d'Ava Mogarsten dans la série télé Le Monde de Riley. En 1791, décédé Wolfgang Amadeus Mozart, célèbre compositeur et chef d'orchestre autrichien. On écoute tout de suite un petit extrait d'une composition signée donc Mozart. Voilà pour Mozart. Allez, on continue en 1870. Décédé Alexandre Dumas, père, écrivain français, à qui l'on doit le comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, 20 ans après, ou encore La Dame de Montsoreau. En 1926, décédé Claude Monet, peintre français, l'un des fondateurs de l'impressionnisme. En 2013, on apprenait le décès de Nelson Mandela, homme et avocat sud-africain, qui a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale en apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Et à noter qu'en 1993, il avait reçu le prix Nobel de la paix. Et il y a un an aujourd'hui, on apprenait le décès tout d'abord de Jean d'Ormesson, écrivain, journaliste, académicien et philosophe français. Et on apprenait également le décès de Johnny Hallyday, chanteur et acteur français, mondialement connu, bien évidemment. Et en tant qu'acteur, on avait pu le voir dans Les Rivières Pourpres 2, Jean-Philippe, La Panthère Rose 2, Salon en Thème, Rock'n'Roll et plus récemment dans Chacun sa vie. Et on écoutera bien sûr du Johnny en fin d'émission. Mais avant de marquer une petite pause musicale, pour reposer notamment ma voix, on va passer aux sorties cinéma et on commence avec des films d'animation pour les enfants aujourd'hui. Si ça vous dit, il y a Astérix, le secret de la potion magique, ou encore Paddy, la petite souris. Autre film, haute salle, autre ambiance, c'est un drame intitulé Pupi de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch ou encore Élodie Boucher. Autre film, Les confins du monde, un drame de Guillaume Niclou avec Gaspard Ulliel, Guillaume Guiou et Lanketran. Autre film, L'exorcisme de Anna Grace, un film d'épouvante, hein, d'horreur de Diederik Van Rogen avec Shay Mitchell, Stana Katic ou encore Grey Damon. Et enfin, dernier film, Back to School, comédie de Malcolm Daly avec Kevin Hart, Tiffany Haddish ou encore Marilyn Rajkub. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Michelangelo Loconte dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock avec le titre Tatoue-moi. De libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Dessus, bras dessous, et n'ayons crainte de leur vile arrogance. Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Que m'importent les rires et les regards sur mes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard. Sans mesure, sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins. Moi, la comédie musicale Mozart, l'opéra rock sur le 107 FM, un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, il y aura pas mal de nuages avec quelques éclaircies, des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 8 et 10 degrés pour cet après-midi. Jeudi, ce sera le retour de la pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour demain après-midi. Et vendredi, ce sera une journée mitigée, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le handball féminin et l'Euro. Et hier soir, la France qui s'est imposée 25-20 face au Monténégro. Les Françaises sont donc qualifiées pour le tour principal. Et le premier match de ce tour principal, ce sera dès demain, jeudi, contre le Danemark. Un mot de football avec tout d'abord les résultats de la Ligue 2 où Nancy a fait match nul à Ajaccio, un but partout. Et Metz s'est imposé 2-0 face au Red Star. En Ligue 1, Monaco s'est imposé 2-0 à Amiens. Nice et Angers ont fait match nul 0 partout. Et Lille s'est imposé 1-0 à Montpellier. Au programme d'aujourd'hui, Bordeaux recevra Saint-Étienne, Caen, Nîmes, Dijon, Guingamp, Lyon, Rennes, Nantes, Marseille, Reims, Toulouse et Strasbourg recevra le Paris Saint-Germain. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 13 points s'est imposée face au Heat de Miami 90-105 et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 18 points et 10 rebonds s'est imposé 139-105 face aux Spurs de San Antonio. Un mot d'athlétisme à noter qu'hier soir, le Kenyan Eliud Kipchoge a été élu athlète de l'année. Il devance ainsi le Français Kevin Mayer. Et on termine cette actualité avec du biathlon. On va en Slovénie à Pokljuka. Aujourd'hui, c'est l'épreuve individuelle, messieurs. 20 km à parcourir. Il y aura 4 tirs. Départ à 14h15. Dossard 19 pour Antonin Guigona. Dossard numéro 22 pour Martin Fourcade. Dossard numéro 37 pour Quentin Fillon-Maillet. Le 42 pour Simon Détieux. Dossard 68 pour Émilien Jacquelin. Et enfin, Fabien Claude partira avec le Dossard 96. Hein, il sera en fin de course hein, pour voir le Vosgien. Il faudra donc attendre la fin. Johannes Bö, grand rival hein, de Martin Fourcade la saison dernière, eh bien partira avant Martin Fourcade. Il partira avec le Dossard numéro 12. Et l'autre Vosgien, Florent Claude, qui court hein, sous les couleurs belges, on vous le rappelle, partira avec le Dossard 70. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec l'envie de Johnny Hallyday. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. L'envie de Johnny Hallyday sur RGM, il est presque 8h56 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Regard d'ailleurs. À 10h, les ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 16h, vous retrouverez toute l'équipe de 90 minutes pour Boomerang. À 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée à Impérial 68. 20h, Nothing But The Blues. À 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve eh bien demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.